puis la société Le Rhône, puis Gnome et Rhône. Louis Verdet, ingénieur de l'école des arts et métiers, concurrence à partir de 1912 les moteurs Gnome avec un moteur rotatif de sa conception, le Rhône. C'est ce moteur qui est exposé devant vous. De caractéristiques techniques semblables à celles de l'Oméga, il est toutefois plus fiable et consomme moins d'huile et de carburant. Cette rivalité se poursuivit jusqu'en 1915. Cette année-là, l'État français demanda à la société Gnome de racheter le Rhône pour former la société Gnome et Rhône, dont Louis Verdet devint directeur général. Les moteurs présentés derrière vous montrent les évolutions de puissance qui débutèrent alors. La puissance des moteurs fut multipliée par 4 en 5 ans, pour dépasser 200 chevaux pendant la Première Guerre mondiale. Des exemples d'avions motorisés par ces différents modèles sont représentés sur la fresque de droite. De 1000 moteurs par an en 1914, la production passa à 1000 moteurs par mois en 1918. Au total, plus de 20 000 moteurs Gnome et Rhône furent produits en France. En additionnant les moteurs fabriqués sous licence, la société motorisa près du tiers de tous les avions engagés dans la Première Guerre mondiale. Au bout de cette galerie, à gauche, remarquez aussi le moteur 8 cylindres en V Hispano-Suiza, principal concurrent de Gnome et Rhône. À L2, ces firmes motorisèrent plus de la moitié des avions de la Grande Guerre.